franceinter.com. Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 189. Bienvenue à toi. Dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 24 janvier 2010, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Alors, avant tout cette semaine, tu es consterné devant les effroyables émeutes qui ravagent désormais Haïti. On commence donc par Haïti et les scènes d'émeutes qui se multiplient dans Port-au-Prince. Des images encore une fois difficiles à supporter. Là, c'est un caméraman de TF1 et un reporter de CNN qui se battent pour filmer un rescapé. Plus loin, un journaliste de la BBC et un reporter de France Télévisions. C'est mon cadavre d'enfant, c'est moi qui l'ai vu en premier. C'est vraiment du chacun pour soi. Oui, ce matin, l'ami, tu redécouvres les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose bien sûr d'organiser ici un beau barnum burlesque consacré aux actualités manipulées par le prince du monde. Alors, chers amis, communions ensemble durant 53 minutes au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du jeu d'un Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux audiorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous débuterons bien sûr par notre espiègle office freudien, durant lequel nous croiserons ce matin la boîte de Pandore, puis la Diane chasseresse de Poitiers et le modem de Sisyphe. Dans la foulée, nous t'offrirons une petite rétrospective de cette première année que vient de passer Barack Obama à la tête de la Maison Blanche. Ensuite, nous nous glisserons subrepticement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, où nos joyeux fantômes radiophoniques se sentent totalement déstressés au boulot, une joyeuse décontraction, mais que nous ausculterons ici avec une réelle concentration. Immédiatement après, direction Gros Boule-les-Bains, où Monique et Jean-Claude se sont empressés de voyager sur une des lignes TGV que la SNCF compte bientôt supprimer. Et puis, nous enchaînerons bien sûr avec le curieux dictionnaire imaginaire de notre facétieux reporter et ce matin, nous t'offrirons la définition d'un synonyme de pénate, le foyer. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvrira ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est sacrément bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et expire le double salaire. Give me a ticket for an airplane. Ain't got time to take the fastest train. My lonely days are gone, I'm going home. My baby just wrote me a letter. I said I don't care how much money I gotta spend. I got to get back to my baby again. My lonely days are gone, I'm going home. My baby just wrote me a letter. Oh, well, she wrote me a letter. Said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, Lord, she wrote me a letter. Give me a ticket for an airplane. I ain't got time to take the fastest train. My lonely days are gone, I'm going home. My baby just wrote me a letter. Yeah. She wrote me a sweet letter. Telling me she loves me. Oh, well, she wrote me a letter just to tell me she couldn't live without me no more. I said, now listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah. She wrote me a letter. Told me to come on home. She's tired of being alone. ticket. I want a ticket for an airplane. The Letter. Ce fut en 1968 Lou Rawls, dont personne n'a oublié The Letter. Mais qu'en est-il des chiffres ? 9, 75, 8, 3, 8, 9. Ce sera 395. Alors là, écoutez, vous qui souhaitez de l'animation, hein, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. Eh bien, à 11h11, le compte est bon. Puisque les modestes péripéties laïques de ce 189e épisode du Mangin Palace commencent par notre petite session freudienne. Et ce matin, Monsieur Divan Beaujelet nous a montré sa mythologie où tu peux croiser une grosse boîte de Pandore, mais aussi la Diane chasseresse de tête d'un modem de Sisyphe. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Agriculteur à la une du Parisien aujourd'hui en France, une profession en danger. Et je vais vous dire autre chose. L'humanité, une carte de France avec un grand panneau, attention, danger, service public en danger. Comment vous êtes-vous retrouvé dans ce piteux état ? François, le salaire du président d'EDF choque les Français. Il faut dire que ce matin respire pas la joie de vivre. Cela faisait plusieurs semaines que Nicolas Sarkozy cherchait le moment le plus opportun pour tenter de renouer avec les Français. J'y pensais depuis longtemps. J'attendais que ça mûrisse. D'où l'idée d'organiser ce débat télévisé sur TF1. Peut-on connaître votre opinion ? La même que la vôtre. Avec Jean-Pierre Pernaut. C'est une plaisanterie. Et voilà Ségolène Royal en passe de réaliser l'ouverture. Mais tais-toi, t'as envie de porter la poisse ou quoi ? Avec sur sa liste des écolos, des modems et des syndicalistes. Qu'est-ce qu'elle veut à ton avis ? Ce que le Parti Socialiste rêvait de réaliser, Ségolène Royal l'a fait. Reprenons depuis le début. À deux mois des régionales, Ségolène Royal marque des points. Hier, c'était le lancement de sa campagne électorale en Poitou-Charentes. On savait déjà que Royal avait la main verte en obtenant le ralliement de deux élus régionaux écologistes. Je rêve. Depuis ce week-end, Ségolène Royal a aussi trouvé un bon modem pour communiquer avec les centristes de sa région. Pourquoi faire ? Résultat, Alexis Blanc, le président du modem local, a accepté les 5 places éligibles sur les listes du PS. Quand tu sais à quelle porte taper, tu peux avoir tout ce que tu veux. Notre invité ce soir est François Bayrou, président du modem. Il y a quelque chose qui ne va pas, mon vieux ? Il y a des gens, singulièrement, parce qu'on leur a fait miroiter des choses alléchantes, qui disent « mais on serait beaucoup mieux avec le PS ». Et d'autres qui disent « on serait beaucoup mieux avec l'UMP ». Ça vous agace, ça, hein ? Eh bien, je dis, moi, en tout cas. Impulsif, mais sagace. Que notre choix, notre ligne, c'est que nous n'acceptions la tutelle d'aucun des deux camps. Mais pourquoi as-tu attendu si longtemps ? Fallait le dire plus tôt. Mais quand ce que vous entendez dites n'est pas entendu par la base, il y a quand même un problème en Poitou-Charentes. Eh bien, ce qui s'est passé. Non. Il y a un petit truc que j'aimerais vous rappeler. C'était quelqu'un qui avait été déçu de ne pas être choisi comme tête de liste. On le connaît, ce type ? Qui a, avec un tout petit groupe, fait cette annonce qu'ils allaient sur la liste de Ségolène Royal. Juste pour savoir, t'as décidé de chialer encore combien de temps ? Yeah, yeah, yeah ! C'est un anniversaire bien amer pour Barack Obama. Un an après son accession à la Maison Blanche, c'est un républicain qui s'assoit dans le siège de Ted Kennedy au Sénat. Y'a pas de place ailleurs, non ? Oui, plus de majorité à 60 sénateurs sur 100, donc effectivement, ça veut dire que la perspective d'une réforme de la santé votée à court terme s'éloigne, disparaît même d'ailleurs, puisque désormais les républicains ont le champ libre pour faire ce qu'on appelle ici un filibuster, c'est-à-dire pratiquer l'obstruction parlementaire. Mais qu'est-ce qui déconne chez vous, les mecs ? Et puis on parle pas seulement de la santé, mais de toutes les lois qui devaient être signées avant les élections à mi-mandat du mois de novembre, c'est-à-dire le climat, la régulation financière, l'immigration. C'est une gifle, une claque, un coup de semonce. C'est dur d'être un héros dans la vie réelle. Eh oui, c'est dur d'être un héros dans la vie réelle, même quand on s'appelle Barack Obama. Et justement, ce matin, la panique au Mangin Palace a décidé, pour célébrer le premier anniversaire de l'investiture de M. Obama, de revenir sur les relations étroites et étranges qui se sont tissées entre les deux surhommes destinés à sauver l'humanité. J'ai nommé à ma gauche Barack Obama et à ma droite, forcément, Nicolas Sarkozy. Eh oui, mon ami, souviens-toi, il n'y a pas si longtemps de cela, nous vivions dans un monde où Barack Obama n'existait pas. C'est difficile à croire, mais dans ce monde-là, le président des États-Unis s'appelait George W. Bush et le nouveau petit prince sur la scène politique internationale, c'était président Sarkozy, tout juste élu. Et tous les deux, ils étaient les meilleurs amis du monde, justement pour le sauver. Tous les méchants du monde entier, Sodak le monstre et le grand Skeletor, pour le combattre se sont ligués, mais rien n'a bas l'invincible Musclor. Les maîtres de l'univers font défendre la terre contre ses ennemis, tous les mauvais génies. Les maîtres de l'univers font défier l'enfer pour faire du monde entier un monde d'amitié. Sauf que voilà, en ces temps reculés, en gros il y a un an et demi, deux ans, les maîtres de l'univers étaient bien loin d'imaginer qu'une nouvelle figure assez inattendue allait faire son apparition, Barack Obama, qui, il faut bien le dire, a suscité un espoir incroyable dans le monde entier. Et avouons-le, ça nous a fait le plus grand bien de voir débarquer ce type dans un univers sclérosé. Pourtant, lui, de son côté, il a tout fait pour que nous gardions les pieds sur terre malgré les délires qu'il provoquait. Je ne suis pas le Messie! Je proclame que si, Seigneur, et je fais autorité, j'en ai suivi plus d'un. Gloire au Messie! Je ne suis pas le Messie, voulez-vous bien écouter? Je suis pas le Messie, est-ce que vous comprenez? Honnêtement! Seul l'authentique Messie peut nier sa divinité! Quoi? Mais qu'est-ce que je réponds à une assertion pareille? D'accord, c'est moi le Messie! Si! C'est lui le Messie! Allez vous faire foutre! Où irons-nous nous faire foutre, Seigneur? Oh non, ça suffit, laissez-moi tranquille! Mais non, le laisser tranquille, il n'en était pas question. La campagne électorale fut un feuilleton à rebondissements, avec, pour les honnêtes gens, un happy end, et pour les autres, Sarah Palin. En novembre 2008, Barack fut donc élu 44e président des States, un événement historique. Monsieur le Président, l'élection de Barack Obama est un événement historique, un symbole incroyable et une ferveur populaire qu'on n'a plus vue depuis très longtemps. Oh, bah c'est sûr, on n'a pas connu ça depuis le 6 mai 2007. Le 6 mai 2007. Pas mon élection. Attendez, ma descente des Champs-Élysées, le dîner au Fouquet's, le concert gratuit avec Enrico Macias et Mireille Mathieu, il y en avait de la ferveur, hein. Oui, c'est vrai, non mais là, l'élection d'Obama a une portée mondiale. Oui, enfin je suis quand même président de l'Europe, moi c'est pareil, hein. Oui, mais un président noir, jeune, qui porte l'espoir de tout un peuple, c'est une image forte. Attends, il n'est pas encore à la Maison Blanche, Obama, et on n'arrête pas de dire qu'il est génial. On oublie un peu vite que j'ai sauvé la planète de la crise financière, j'ai sauvé les bourses, les banques et Ingrid Betancourt, moi. D'accord. Je suppose que vous avez quand même prévu une rencontre avec M. Obama. Oh, j'ai pas que ça à faire, hein. Donc s'il veut me voir, il m'appelle. J'étais président avant lui, hein. Donc c'est à lui d'appeler. Et je verrai si je peux le caser dans mon agenda. Oui, Alors en fait, dans les coulisses, président Sarkozy a tout fait pour se faire remarquer du nouveau président ricain et pour s'en approcher. Bon, il faut être honnête, Nicolas Sarkozy avait déjà rencontré Obama, une première fois en septembre 2006, l'un étant ministre de l'Intérieur et l'autre sénateur de l'Illinois. Puis une seconde fois en juillet 2008, le président français recevait à l'Élysée le candidat américain. Mais Barack Obama élu, notre président a tout fait pour se rappeler à son bon souvenir. Alors maintenant, the question is not what can I do for my country. The question is what my country can do for me. Je suis américain, je pense américain, je bouffe américain. Il nous fait chier, américain. Je suis d'accord avec tout. Même quand vous faites une guerre, je suis d'accord. Je suis seul ici. Chaque fois qu'on attaque les Américains, j'ai le cœur qui saigne. Et le cœur a surtout saigné à l'Élysée quand il est apparu clairement que la présidence américaine souhaitait mettre une petite distance avec M. Sarkozy. Tiens, souviens-toi, en avril 2009, lors de leur rencontre au G20 à Londres, eh bien Barack Obama a été, comment dire, réservé. Tout d'abord, si tu veux un rencard en amoureux avec moi, il va falloir que t'attendes. Hein. La liste est longue et je refuse de faire du favoritisme. Et je vais te dire une chose, je bosse tout seul. Je ne veux pas de coéquipier, d'ailleurs, je n'en ai pas besoin et sache que je n'en aurai jamais. Aller sur le terrain, c'est dangereux. T'es plus en sécurité derrière ton bureau sur ta chaise. T'es qu'un gros naze. Tu sais ce que c'est, un gros naze? Tu veux que je te batte le cul? Parce que c'est moi le roi dans ce domaine. Je peux te montrer en te bottant le cul. Ah ben oui, hein. Quand on te disait que les relations entre les deux présidents étaient tendues, mais dans un premier temps. Parce qu'ensuite, ça s'est quelque peu calmé. Bon, Il faut dire que la France est revenue dans l'OTAN, et puis elle était présente en Afghanistan, toujours d'ailleurs. Alors elle est apparue comme un allié important. Et puis avec la crise, les deux présidents se sont rendus compte qu'il fallait faire bonne figure pour travailler ensemble. D'ailleurs, de passage à Caen, pour commémorer l'anniversaire du débarquement, Barack Obama a fait des efforts et a même cherché à donner des conseils à son homologue français. Je t'ai vu aux infos, je t'ai vu en direct tout à l'heure. Ça doit être une vraie torture de voir que les gens te détestent. Ah, c'était sympa, salut. Quoi ? Non, excuse-moi, mais c'est vrai, tu dois... Non, le prends pas mal, non, ces gens, ils devraient t'aimer. Non, franchement, ils devraient, d'accord ? Et j'aimerais t'offrir ça en cadeau, c'est la moindre des choses. Non, n'oublie pas, t'es un super héros. Les gamins devraient te courir après pour avoir un autographe, les gens devraient t'acclamer dans la rue, tout le monde... Quoi ? Vous voulez ma photo, bande de cons ? Non, c'est pas des... Non, tout va bien. Non, c'est pas une bande de cons, c'est des gens, tout simplement. Non, j'aimerais que toi et moi, on ait une petite conversation. C'est tout ce que je te demande, d'accord ? On perd pas le contact. On ne perd pas le contact, d'accord ? Mais de là à passer tout son temps ensemble, il n'en est pas question. D'ailleurs, quand on demande à Obama pourquoi, lors de sa visite en France, il ne passe pas plus de temps avec son collègue, ben Barack, il s'en tire comme il peut. Ce que je peux répondre, c'est ceci. J'ai un emploi du temps extrêmement chargé. Je ne demanderais rien de mieux que de pouvoir passer une semaine de loisirs à Paris, de pouvoir déambuler le long des quais de la Seine, emmener ma femme dans un resto sympa, pique-niquer dans les jardins du Luxembourg. Malheureusement, en tout cas pour le moment, ces jours sont révolus. Et donc il est quand même assez important de comprendre que nous pouvons être bons amis, mais que les bons amis ne vont pas se formaliser autour des symboles, des conventions et des protocoles. Pour ma part, à titre personnel, je considère Nicolas Sarkozy comme mon ami et je pense que cette appréciation est réciproque elle aussi. Ami, n'importe quoi. On aura tout entendu. Effectivement, quand il s'agit de diplomatie et de protocole, il faut s'attendre à tout entendre. Tiens, demandons maintenant à M. Sarkozy comment il perçoit les relations qui se sont instaurées entre lui et le nouveau président des States. Vous croyez qu'on a que ça à faire, de calculer... Est-ce qu'on va prendre un bon restaurant ensemble ou est-ce qu'il va passer une nuit de plus ici ? Moi, je vais vous dire une chose, c'est très facile de travailler avec le président des États-Unis d'Amérique. De plus, le président Sarkozy parle très vite, donc on arrive à faire plus de choses en moins de temps. Hey, moi, je parle vite, mais lui, il comprend vite. Voilà. Barack, bienvenue. À ta famille et à toi. Il est énorme. Une phrase bien étrange qui sonne un peu comme un aveu. Moi, je parle vite, enfin beaucoup, et lui, il comprend vite, enfin, il agit. Bizarre. Quoi qu'il en soit, si président Obama ne fête pas son premier anniversaire aussi à l'aise qu'il l'aurait sans doute souhaité, et même s'il lui faut du temps pour mettre en œuvre tous ses projets, il est certain qu'il a redoré l'image d'une puissance qui, après le bushisme, en avait bien besoin. Et rien que pour ça, très bon anniversaire, Monsieur Barack. On wax, my label wax crying in the cocoa puffs. I'm still untouchable, I got for noble grub. Steady making hits, screaming, hold them up. And go, washing for that Chernobyl stuff. On girls' lips like lip gloss, always. Shining like the lips on my ass face. All day, gave me sick, need a rescue the first day. I shit spinning your hat and your jersey. I old school, wax. You can bring the drums. B-Boy on Wax, c'est la nouvelle livraison de Wax Taylor, un hommage aux danseurs de breakdance. C'est Lascar qui se désarticule au son du hip-hop et il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Je vous souhaite la bienvenue, messieurs. Bienvenue dans notre programme pour débutants. Je m'appelle Miss Mitzi et vous m'aurez comme professeur de danse. Déçu peut-être de tomber sur la vieille. C'est sûr. Non, vous, c'est super. Vous avez de l'expérience. Sais-tu ce que nous indique la clepsydre du Mangin Palace? Eh bien, qu'il est précisément 11h28, l'heure, bien entendu, de nous intéresser à nos informations du lointain. Avant tout, sache que mardi prochain, au Pôle emploi, vont commencer des négociations sur le stress au travail. Car depuis quelques mois, les employés de l'ex-CNPE frôlent carrément la dépression tant ils sont en sous-effectif face à la flambée du chômage. Certes, on entend beaucoup que le plus dur de la crise est désormais derrière nous, mais il n'empêche que le marché du travail, lui, demeure totalement ravagé. Du coup, pour éviter une nouvelle épidémie de suicide au travail, les grosses entreprises, publiques et privées, lancent des enquêtes auprès de leurs employés pour tenter de réduire le harcèlement et les tensions nerveuses. Ouais, on a du mal à y croire. Toujours est-il que nos joyeux fantômes radiophoniques ont décidé jeudi dernier d'évaluer leur propre stress dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Alors, écoute ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'ermite, planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous étions vraiment rassurés par le résultat des tests sur le niveau de stress dans notre entreprise. En effet, jeudi soir, nos troubles respiratoires, nos problèmes de peau, nos migraines et nos angoisses ont disparu d'un coup quand nous avons appris que le seul à être vraiment sous tension, c'était le patron. Chacun doit prendre conscience de l'angoisse des dirigeants. Le moindre bonhomme de nos sociétés vit dans des terreurs qui jadis étaient réservées aux tyrans. Dirigeants en tête, tous passent par les trois phases de cette maladie que j'ai décrite le premier. la phase d'alarme, caractérisée par des troubles fonctionnels, entraînant une impression de déchéance ou d'incapacité. La phase de fébrilité, accompagnée de troubles psychosomatiques, qui, s'installant, peuvent devenir des lésions définitives. Et enfin, la phase de dépression. Le ressort est cassé, c'est le coup de pompe. Notre dirigeant est un névropathe. Et une deuxième expertise est venue confirmer cet inquiétant diagnostic. Quelles sont actuellement les méthodes d'étude du stress ? La première méthode, qui est la méthode la plus ancienne, est l'étude de la performance. Lors d'un stress, et plus encore lors de la fatigue conditionnée par ce stress, la performance baisse. Tout le monde était désemparé, et Robert Valette en a profité pour s'introduire en comité de direction et leur exposer sa solution. Nous posons ce soir, dans toute son ampleur, un des problèmes numéro un de notre époque. Voici le problème. La santé nerveuse et mentale des dirigeants brimballe, ce qui est intolérable dans une société industrielle. L'existence des clochards est pareillement intolérable dans une société de travail. Toutes nos ambassades à l'étranger en rougissent uniformément. Sitôt qu'on le pose avec cette ampleur et avec cette netteté, la solution s'impose d'elle-même sous cette forme, en une intuition fulgurante, projet d'utilisation thérapeutique des clochards pour la perfection des sociétés industrielles et pour la guérison simultanée des dirigeants surmenés. Puisque rien n'est plus fatigant que faire travailler quelques milliers d'hommes, rien n'est plus apaisant qu'être incapable de faire travailler un seul d'entre eux. Désarçonnés par le canular de Robert, les dirigeants ont capitulé. Du coup, avec Robert, Bertrand et les autres, on a réorganisé la société. Dans un monde où personne n'est contraint de travailler plus de 4 heures par jour, tous ceux qu'animent la curiosité scientifique pourront lui donner libre cours et tous les peintres pourront peindre sans pour autant vivre dans la misère en dépit de leur talent. Les médecins auront le temps de se tenir au courant des progrès de la médecine. Les enseignants ne devront pas se démener, exaspérer pour enseigner par des méthodes routinières des choses qu'ils ont apprises dans leur jeunesse et qui, dans l'intervalle, se sont peut-être révélées fausses. Et avec tout ce temps libre, tout le monde s'est découvert de nouvelles passions. Même le patron. Coucher ! Méchant Fifi ! Papa n'est pas content ! Espèce de... Excusez-moi, j'étais en train d'engueuler cette saloperie d'affichette qui m'a manqué de respect tout à l'heure. C'est normal, si vous n'exercez pas un minimum d'autorité sur les objets qui vous entourent, vous vous faites très vite dépasser. J'ai toujours pensé que les objets étaient des petits enfoirés. C'est comme Jean-Patrick, par exemple. Jean-Patrick, c'est mon bureau, et régulièrement, je m'assois sur lui pour lui signifier que je suis le plus fort, que c'est moi le patron. Ou sinon, vous pouvez me croire, ce sera lui le chef demain. Merci beaucoup, Flora Bernard, de nous rappeler ici que le stress au travail n'épargne pas les patrons d'entreprise qui deviennent régulièrement complètement louvedingues. Mais bon, il est temps maintenant de rejoindre nos actualités locales et décontractées. Voici donc notre décrochage régional, direction Roboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Manchin Palace à 11h34, rejoignons immédiatement nos deux locomotives, Jean-Claude et Monique, qui se sont retrouvés par hasard avant-hier au cœur de l'actualité ferroviaire. Oui, car à l'heure où nous avons appris que la SNCF s'apprête à fermer certaines lignes TGV régionales pas assez rentables, Monique et Jean-Claude profitaient justement de ce service public, qui l'est de moins en moins, afin de se rendre au carnaval de Dunkerque au départ de Grosboul-les-Bains, mais sans passer par Paris. C'est ainsi qu'ils ont pris le train, vendredi, en fin d'après-midi, en seconde classe, bien sûr, et ils se sont retrouvés dans un carré, en compagnie d'une jeune femme plutôt réservée et d'un quadragénaire assez distingué, en pleine lecture de Mathilde et ses mitaines, un roman de Tristan Bernard. Quand, au bout d'une heure de voyage, ce type étrange s'adresse à Monique pour lui raconter une histoire de train. Un jour, c'était au début du siècle, au cours d'un voyage en chemin de fer, Tristan Bernard, vous connaissez Tristan Bernard, un immense homme de théâtre, grand écrivain merveilleux, Tristan Bernard est pris à partie par un voyageur dans un wagon de première classe où se trouvait également une dame. Le voyageur reprochait à Tristan Bernard de s'être mis à fumer la pipe dans un compartiment non-fumeur. Vous auriez pu au moins demander la permission à cette dame. Tristan Bernard ne dit pas un mot et continue de fumer sa pipe. Le voyageur s'énerve, menace d'appeler le chef de gare au prochain arrêt. Mutisme absolu de Tristan Bernard qui n'ouvre toujours pas la bouche. Interrompu par Jean-Claude qui vient de bâiller bruyamment tant il se contrefout de cette histoire, le type s'excuse aussitôt de les avoir importunés. Mais Monique veut connaître la suite, elle trouve ça passionnant, elle insiste. Qu'est-il arrivé à Tristan Bernard quand le train est arrivé en gare ? Le train arrive en gare, le voyageur appelle le chef de gare, lui explique l'inconvenance de Tristan Bernard. Pas compartiment fumeur, pas demander la permission, le somme de s'expliquer. C'est alors que Tristan Bernard se tourne vers le chef de gare et lui dit « Demandez donc d'abord à cette dame pourquoi elle voyage en première avec un billet de troisième. » Stupeur absolue dans le wagon. On oublie complètement l'histoire de la pipe. Le chef de gare ne pense plus qu'à l'intérêt de sa compagnie. Demande le billet à la dame. Billet de troisième, en effet. La prie de sortir. Le train repart. Vous imaginez ? Le train repart. Tristan Bernard est seul avec le voyageur. Mais comment avez-vous pu faire un affront pareil à une dame ? Et puis d'abord, comment vous avez pu savoir que son billet était un billet de troisième ? Et Tristan Bernard a répondu, eh bien parce qu'il était de la même couleur que le mien. Oui, Monique est sous le charme de ce compagnon de voyage cultivé, d'une élégance soignée. C'est là la magie des rencontres inattendues dans un train. Mais Jean-Claude repère immédiatement ce petit manège et décide aussitôt de faire part à ce voyageur distingué ce qu'il pense de sa présence parmi eux dans ce wagon. Hé, hey, toi le citoyen là, tu te ferais voyager en première ? Un mec comme il faut voyage pas avec des cloches. Regardez-moi ça, ça va à l'église, ça s'envoie ses petits biscuits après la messe, ça baise mou après la bouffe, et ça crève avec son pognon. Mais tu sais, mon petit gars, du pognon, j'en aurai peut-être moi aussi un jour. Ça t'embouche un coin, ça, hein ? Oh là là là là, Monique est outrée par la vulgarité du Jean-Claude. L'inconnu s'excuse de rechef, il est confus, il ne comprend pas cette agressivité. Il voulait simplement partager un peu d'humanité à bord de ce train. C'est ça, ouais. Jean-Claude s'apprête alors à faire valser la valise de ce type quand soudain, voilà que se pointe le contrôleur qui réclame pour commencer le billet de cette jeune femme assise à côté d'eux. Mademoiselle, billet s'il vous plaît. Ah, vous avez pas composté votre ticket. Non comprendre. Pas composté. Composé ? Qu'est-ce que vous dites ? Non comprendre. Non, il fallait... Stong à la gare. Stong à la gare ? Non comprendre. Qu'est-ce que c'est, Stong ? Il y a un problème ? Oui, il y a le problème de la passagère étrangère qui n'a pas composté, qui ne parle pas un mot de français. Mais on s'en fout, hein, elle n'a pas composté, elle n'a pas composté. Qu'est-ce que je fais ? Je vous ai payé le supplément. Je peux vous servir d'interprète ? Oui, vous avez votre billet ? Immédiatement, Jean-Claude est plus que troublé par cette femme qui se propose de faire l'interprète entre les contrôleurs et la jeune passagère étrangère. Il est persuadé qu'il la connaît, mais il est infichu de se souvenir qui elle est. Et pendant que Jean-Claude réfléchit, le ton monte, puisque les contrôleurs veulent faire raquer une amende à la jeune étrangère qui n'a pas composté son billet, alors qu'elle ne le savait pas, tout simplement. Ce qui exaspère cette femme que Jean-Claude croit connaître. Bon, écoutez, je vous préviens, je suis avocate, et avec moi, vous n'aurez pas le dernier mot. Alors vous êtes avocate, et moi, je suis ministre des Transports. Écoutez, alors, si vous vous mettez, vous aussi, à faire de l'humour, alors... Bon, c'est toujours comme ça, c'est toujours les gens qui sont en infraction qui cherchent à se faire passer pour plus qu'ils ne sont. Si vous croyez que ça nous impressionne, vous vous trompez lourdement, ça nous impressionne pas du tout. Pas du tout, on a l'habitude, on en voit d'autres, hein, tout le temps. Alors, je reconnais que vous avez du bagou, en tant qu'animatrice dans une grande surface, là, vous feriez un malheur. Ou opus ? Ah oui, vendeuse opus, là, vous pourriez faire illusion, vous voyez ? Après une pluie d'insultes réciproques, l'affaire du billet non composté se tasse, tant les contrôleurs se sentent ridicules, évidemment. Et bien sûr, la jeune voyageuse étrangère remercie chaleureusement cette femme, qui s'éloigne maintenant en direction de la voiture-bar. C'est alors que Jean-Claude prétexte une envie pressante pour la suivre. Et arrivé au bar, il cherche à croiser son regard. Elle lui sourit, lui aussi. Elle lui sourit, lui aussi. Et elle pense enfin qu'il l'a reconnue. Elle est presque émue. Mais non, Jean-Claude ne se souvient toujours pas. C'est alors que l'employé de la buvette d'escroc SNCF leur demande s'ils se connaissent. Et cette quadragénaire sophistiquée lui répond qu'en effet... On s'est connus dans le wagon de Lidelon, le wagon long de nuit. du Paris, Lyon, Marseille, Menton qui file de nuit et nous emporte vers l'Italie. On s'est souri dans les sanglots de l'île de long, les sanglots longs du wagon long de nuit. Et il m'a dit au creux de l'oreille, dites-moi tu, dis-moi toi, je vous dirai pareil. À quoi bon nos prénoms, appelez-moi chérie. Appelle-moi mon amour, on se connaît à peine. Qu'on se dise vous, qu'on se dise tu, qu'importe pour une nuit. Ah mais oui, c'est Colette bien sûr, cette jeune femme que Jean-Claude avait rencontrée le temps d'une nuit dans un wagon-lit pour l'Italie il y a plus de 20 ans. Oh quel choc! Forcément Jean-Claude lui paye un verre, 28 euros quoi, et les voilà tous les deux embarqués dans leurs souvenirs. Mais après un long moment, Colette s'aperçoit que Jean-Claude n'a pas vraiment changé depuis cette fameuse nuit dans ce wagon-lit où lui seul, visiblement, avait pris du plaisir. Toujours aussi égoïste. Tenez, par exemple, vous avez vu que le contrôleur m'a donné un petit billet tout à l'heure. Vous n'avez pas eu la curiosité de me demander ce que c'était, hein? Discrétion élémentaire, Colette. Ça fait 2 heures que nous parlons. De qui? De vous? Ça aussi, c'est de la discrétion, j'imagine. Eh ben, même si ça vous intéresse pas, je vais vous le dire, moi, ce que je suis devenue. Ce petit billet, là, il vient du grand type, genre Lino Ventura, le voyageur qui était dans le couloir tout à l'heure. Il me propose 1000 francs pour coucher avec lui, ici, cette nuit. Oui, les temps sont difficiles. Bien sûr, je suis licenciée en droit, mais je suis au chômage. Alors, comme beaucoup de femmes qui sont pas trop mal foutues, eh ben, je me défends. Oui, je me défends, dans les wagons de nuit, c'est ma spécialité. Évidemment, je donne 10% au contrôleur. Enfin, bref, vous avez compris, hein? Vous êtes en train de me faire perdre 1000 balles. Alors... Bah, écoutez, collègue, je crois que j'ai plus rien à faire ici. Jean-Claude est complètement estomaqué. Il se passe de drôles de trucs, quand même, sur les lignes interrégionales de la SNCF. Ce serait dommage de mettre un terme à tout ça. C'est tout l'esprit du service public. Et quand il retrouve Monique, qui connaît désormais par cœur la vie de Tristan Bernard, Jean-Claude lui dit qu'il faut absolument se battre pour le maintien des lignes TGV que la SNCF veut bientôt supprimer. Monique est bien d'accord. Seulement voilà, lorsqu'ils sont arrivés sur le quai de la gare de Dunkerque, l'un et l'autre ont bien compris que les lignes TGV comme Nantes-Strasbourg ou Rouen-Lyon ont réellement du souci à se faire. Le TGV à destination des Bahamas va partir. Nous vous rappelons que son accès est réservé aux voyageurs munis de palmes. La SNCF vous souhaite un agréable voyage et attend vos cartes postales. Oui, sans doute que les patrons de la SNEFE rêvent parfois de devenir une compagnie aérienne, histoire de s'en mettre plein les fouilles. Encore que, avec la petite politique tarifaire complètement opaque qu'ils ont mis en place ces dernières années, on s'en rapproche déjà considérablement. Enfin bref, nous sommes toujours en direct du Mangin Palace et à 11h43, il est temps désormais bien sûr de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, le mot qui compte triple, c'est un synonyme de pénate, autrement dit le foyer. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en début de semaine, l'Institut National des Études Démographiques a publié une enquête titrée « Portrait de famille » et dont le chapitre 3 est intitulé « Ni seul, ni en couple ». Oui, car figure-toi qu'aujourd'hui, une partie des Français qui sont « in love » vivent une relation éloignée. Ainsi, grâce à Arnaud Régnier-Loilier, sociologue à l'INED, découvrons ensemble, juste après la virgule, qui sont les aficionados du double foyer. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. Deux consonnes, trois voyelles, foyer. Alors nous, on ne parle pas spécialement de foyer, mais plutôt de ménage dans les enquêtes qu'on mène. Et donc, on appelle ménage, en fait, l'ensemble des habitants d'un même logement, qui partagent généralement un même logement. Autrefois, on ne rêvait que d'une chose, c'est qu'ils étaient coûte que coûte ses parents. Ouais, les miens sont intelligents, ouverts, généreux, m'ont laissé toute latitude pour faire ce que j'aime. Mais pourquoi voudrais-tu que je renonce à ce bonheur de tous les instants? Alors effectivement, dans l'un des articles de... publié dans l'ouvrage, on s'intéresse aux relations non cohabitantes, c'est-à-dire aux personnes qui ne vivent pas avec un conjoint, mais qui disent avoir une relation amoureuse stable avec quelqu'un avec qui ils ne vivent pas. Et donc, sur l'ensemble des personnes interrogées, âgées de 18 à 79 ans, 8% des personnes déclarent avoir une relation amoureuse stable, non cohabitante. On sera copains. Finalement, on se verra peut-être plus que maintenant. Sûrement, toutoune. En ne vivant plus ensemble, on se verra tout le temps. Ça sera plus chouette que cette vie minable. Est-ce que c'est une nouvelle tendance ou non? C'est juste que structurellement, ça a évolué. Alors l'enquête qui a été menée donc en 2005 ne marque pas d'évolution forte par rapport aux enquêtes précédentes qui étaient menées dans les années 95 et même 85. Donc on n'a pas une évolution très forte au cours des 20 dernières années. Cette proportion est relativement stable. Par contre, effectivement, c'est peut-être plus dans le... Nous, on est allé peut-être un petit peu plus loin dans la composition, dans la définition de qui sont ces personnes qui disent avoir une relation non cohabitante avec quelqu'un avec qui ils ne vivent pas. Donc on a essayé de dresser une typologie en fait des personnes qui sont dans cette situation. Le grand à la guitare, il est trop sexy. Si t'as envie de te le faire, faut pas hésiter surtout. Mais t'oublies un truc important, je suis pas libre. Oh pitié. Ton Dylan, il est à Los Angeles et je suis sûre qu'il doit pas s'ennuyer. C'est dégueulasse ce que tu dis. On attribue cette situation à une situation transitoire qui concerne essentiellement les jeunes. C'est-à-dire que lorsqu'on est étudiant, on a un seul logement. Enfin, on a chacun un logement. On n'a pas les moyens d'avoir deux logements. Et puis, on s'essaye aussi à la vie en couple. Et donc, ça conduit à avoir effectivement une relation avec quelqu'un avec qui on ne partage pas forcément le même logement. Mais ce qu'on a vu apparaître dans la typologie, c'est également d'autres figures. Et notamment, effectivement, des personnes qui ont été mariées ou qui ont vécu déjà en couple, qui ont des enfants et qui, suite à une séparation, ont de nouveau une relation avec quelqu'un avec qui ils ne vont pas, dans un premier temps en tout cas, partager le même logement. Je suis persuadé que l'amour est un canular qui a mal tourné. C'est une sorte d'intox monumental qui a complètement échappé à son créateur. Alors je ne sais pas quand ça a commencé, mais je situe quand même ça entre fin 11e et début 12e siècle, en plein Moyen-Âge. Je crois qu'un jour, le public en a eu marre d'entendre toujours raconter les mêmes histoires de guerre et de massacre. Ça traduit bien le fait que dans la société, c'est pas un scoop évidemment, mais on a de plus en plus de séparations. Les personnes vivent de plus en plus souvent des unions successives. Et donc, par voie de conséquence, on a davantage de personnes qui recommencent à un moment donné une relation amoureuse. Et généralement, on ne commence plus comme par le passé une relation amoureuse en cohabitant directement. Tanguy. À 28 ans, il habite toujours chez ses parents. Je t'aime, maman. Moi aussi. Et je t'aime, papa. Moi aussi, mon poulet. Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Eh oui. Il se peut que l'ancestral foyer ait du plomb dans l'aile. Certains estiment même qu'aujourd'hui, c'est un moyen efficace d'inscrire son couple dans la durée. Cependant, il faut un sacré paquet de pognon pour vivre séparément. Alors forcément, c'est un mode de vie réservé pour l'instant à une élite sociale bien établie. Cela dit, qu'il soit unique ou double, nous restons tous égaux face au redoutable accident domestique du foyer. Aujourd'hui en France, chaque jour, de nombreuses personnes sont victimes d'accidents domestiques graves. Chute, électrocution, coupure. Mais il y a pire. Il y a les accidents domestiques pas graves. Oh merde, c'est pas vrai! Le café était bien chaud, on allait se régaler. Il est tombé sur le lino, maintenant faut nettoyer. On s'en fout, on nettoie pas, on a qu'à le cacher sous un drap. Comme ça tu seras pas en retard pour aller au cinéma. Et on s'en fout, on nettoie pas. Dans la cuisine des souvenirs, une tasse s'est cassée. Dans la cuisine de ma mère, un enfant est entré. Dans la cuisine de la France, c'est l'avenir qui s'est brisé. Moi, je suis un homme qui, privé de café, passe une mauvaise journée. Faut bien recoller la tasse et refaire le café. Un accident domestique pas grave peut provoquer une dizaine de chansons françaises. Protégez-vous. Protégez-nous. Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pantant tu tues. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus, dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon pendant tu tues. Fais pas si, fais pas ça, viens ici au toit de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une bête. Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne, je ne le dirai pas de voix. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras meilleur. Fais pas si, fais pas ça, à tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bidet. Vous en faites pas les gars, vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça. Fais pas si, fais pas ça, fais pas si, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la. Fais pas ci, fais pas ça. C'est Jacques Dutronc qui gémit et qui se prend donc pour Jiminy Cricket. Écoute attentivement, le monde est plein de tentations. Ça veut dire quoi? Attends, c'est bien facile. Il y a de mauvaises actions qui semblent être équitables, mais souvent aussi il y en a de très bonnes qu'on peut croire coupables. Et parfois les mauvaises actions donnent des résultats aussi bons que les bonnes, et vice versa. Ai-je été assez clair? Non, pas du tout. Mais maintenant, à 11h52, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade? Eh bien, cette semaine, la presse a souligné notre chance de vivre dans un monde de plaisantins. Le FBI, tout d'abord. Le quotidien espagnol El Mundo nous apprend que pour créer un portrait vieilli de Ben Laden, les policiers fédéraux américains ont utilisé la photo de Gaspar Llamazares, un député de la gauche espagnole. Comme ça, ils ont chopé la photo sur le net, ils l'ont modifiée, et d'un seul coup, il s'est transformé en méchant barbu. Voilà, ça l'a pas du tout fait rire, et voilà, c'est une mauvaise plaisanterie. C'est sûr. Et ça met surtout à l'honneur le délit de sale gueule. Alors, c'est la période des blagues, Philippe. J'en ai une autre, Libération, de lundi, nous apprend l'aventure de Jean-Louis, un retraité de 66 ans. Dans l'avion qu'il conduit peinard à Bangkok, son voisin lui demande s'il peut poser comme ça un paquet sur le siège à côté qui est libre. Bon, Jean-Louis, gros déconneur, hein. Plutôt sympa, mais il répond goguenard. Bah ouais, mais j'espère que c'est pas une bombe. Bon, conséquence, à l'escale d'Abu Dhabi, Jean-Louis a été arrêté et emprisonné. Voilà. Conformément aux règles internationales, nous dit Libération, selon lesquels tout passager, suspect ou plaisantant au sujet du terrorisme peut être arrêté. Voilà. C'est hallucinant. Ah, c'est incroyable, hein, les compagnies aériennes en ce moment sont sinistres et nues. Enfin, à bout d'humour et à bout d'habit. Voilà, d'autant que le même jour, lundi dernier, donc le quotidien britannique The Independent nous apprenait qu'un autre plaisantin a lui aussi été victime de notre époque neurasthénique. Le type, il s'appelle Paul Chambers. Il attend son avion, c'était en janvier, il y avait du retard, il était un peu énervé, tout ça. Et alors, il publie un commentaire sur Twitter. Vous voyez ce que c'est, Twitter? Ah oui, oui, oui. C'est le truc insupportable, on dit ce qu'on fait au quotidien. Je sais pas à quoi ça sert. Voilà. Là, je parle à Philippe Collin. Voilà. Et alors, bon, le type, il est furax et il écrit comme ça sur Twitter, « Je vais faire sauter l'aéroport oh ». Oui, bah voilà, il a eu la joie de voir la police débarquer chez lui pour l'arrêter. Ah oui. Ah, ça rigole pas. The Independent a demandé à une spécialiste des droits civiques, Tessa Maïès, ce qu'elle en pensait. Et elle a expliqué que faire des blagues sur le terrorisme est considéré comme un crime réfléchi. Voilà, ça rigole vraiment pas. Hein. Alors imaginez, Philippe, Pierre Dac aujourd'hui, elle serait considérée comme un dangereux terroriste hein, pour avoir fait paraître dans son journal L'Os à moelle, organe officiel des loufoques, publié de 1938 à 1940. Cette magnifique petite annonce, je vous la lis. Céderait bombe à retardement, très urgent. Voilà, hein, l'os à moelle, c'est bien plus drôle à ronger que Twitter. Bon, alors, attention Philippe, parfois il se passe des choses curieuses avec ces réseaux sociaux. Sur le site internet du journal 20 minutes, on peut lire cette information étonnante. Super Nanny a été pendant une heure la star de Twitter. Voilà. Alors bon, déjà, vous savez qui c'est, Super Nanny. Ouais. Mais oui, Super Nanny, Philippe, c'est ce personnage attachant d'une émission de M6 qui vient en aide aux parents qui sont en perte d'autorité. C'est... Comment vous la décrire ? C'est un peu Michel Alliomari, vous voyez, à l'allure sévère, mais en réalité hyper sympa. Vous voyez ? Oh, pardon, excusez-moi Philippe, mais je viens d'entendre tous les auditeurs de France Inter dire en chœur à côté de leur transistor, Michel Alliomari, sympa, non, on voit pas. Voilà, Super Nanny. Bon, écoutez, moi, je vous l'aurais envoyé en Bretagne pour aider votre pauvre maman. Non, mais oh, allez, oui. Vous moquez pas. Non, Super Nanny, bon, voilà, est décédée cette semaine, 47 ans, c'est très jeune. Elle s'appelait Cathy et elle a eu une vie assez incroyable. Née à Tunis, mariée à 16 ans avec un type qu'elle connaissait pas, elle a débarqué en France à l'âge de 17 ans sans parler un mot de français. Eh bien, elle a élevé ses mômes, elle a fait des petits boulots, elle a repris ses études, a décroché un diplôme d'auxiliaire puéricultrice. Et puis, elle a été responsable d'un foyer de jeunes délinquants, mais aussi nounou chez des milliardaires. Vous voyez, comme quoi, des milliardaires suisses, terrible. Et puis la télé. Voilà, et pendant une heure, mercredi matin, parmi les 10 sujets les plus fréquemment postés sur le site Twitter dans le monde entier, il y avait Super Nanny. Dingue. Ah, mais c'est étrange, parce que la France, c'est moins de 1% des utilisateurs de ce Twitter bidule-là. 50% sont des Américains. Et alors, surtout, d'autres disparitions récentes, Mano Solo et Eric Rohmer, ne sont jamais apparus sur Twitter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Super Nanny ? Bien, tout simplement, l'annonce du décès de Super Nanny est tombée au moment où les internautes américains dormaient. Voilà. Ah. Eh oui, ça tient un peu de choses à la domination culturelle française. Maintenant, on doit jouer les pirates pour faire sa place sur la toile. Bah, voilà, Philippe, justement, puisque nous en sommes aux pirates, le quotidien allemand Der Spiegel nous apprenait cette semaine un vol assez surprenant qui a eu lieu à Hambourg. C'est celui du crâne de Klaus Störtebeker, surnommé le Corsaire Rouge. Un pirate capturé, décapité en 1401. Et son crâne a été retrouvé à la fin du 19e siècle à l'occasion de travaux près du port où là, on exposait en public, planté dans des pieux, les têtes des condamnés. Charmant, de la déco urbaine, quoi, de co, tout ça. Mais bon, on n'est pas certain que ce soit le vrai crâne, du vrai corsaire, tout ça. Et ça avait été exposé, vous voyez, dans un délire 19e-iste de phrénologie, la discipline là qui cherchait à comprendre le caractère des gens en étudiant les formes du crâne. Bon, aujourd'hui, la phrénologie, hein, c'est complètement déconsidéré. Aujourd'hui, c'est le délit de sale gueule quoi, qu'a la cote. Mais vous voyez, Philippe, ces chapardeurs de crâne sont sans doute de petits plaisantins qui, gamins, à la maison, ont échappé au conseil de Super Nanny. Car pour faire entrer l'autorité dans le crâne des mômes sans Cathy, ben, sa phrénologie. Merci Monsieur Meudy pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 129e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite des doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier, aux platines et à la réalisation. Il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique d'Éric Morin et de Michel Bézikian. Merci beaucoup à vous deux. C'était parfait. Je remercie aussi beaucoup Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Elsa Denac. Pour les scuds, on remercie Thierry Dupin et aussi Olivier Lefaillère pour ses idées complémentaires. Ainsi que merci aussi aux documentalistes de Lina et à Lucie Lerat, notre sympathique stagiaire. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon pour sa propre recette du crumble. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve le week-end prochain à 11h et en direct sur France Inter pour de nouvelles aventures archi loufoques et total foutraque, bien sûr. Mais en attendant d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct.